Voici, en 15 minutes environ, l'intégrale de Le Vieux, nouvelle écrite par Guy de Maupassant et publiée en 1884. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, octobre 2018.